Hello. Hello, Mr. Taylor. What do you want? Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you. You're being grotesque. The radio, remember? Make it work. Radio. It tends to induce. Got time. Close down. Now it's pretty late. Why don't you switch on the radio? I refuse to discuss it any further. Oh, please, you must. Please don't treat me like a mental patient. Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means? Don't look for it, Taylor. That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. And suddenly... Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. Okay. You can leave or you can clap. Clap. Thank you. I kiss this girl? Put a spell on me. Thank you. Merci. C'est Jim Member Breaks, c'est Jim Member Breaks. Pardon, pardon, pardon, c'est Jim Member Breaks. Ça va bien? Je suis rouge comme une tomate. Mais avant d'être rouge, j'étais vert. Comme toutes les tomates. Croyez-vous que les tomates commencent rouges au début? On appelle ça l'évolution de la tomate. Là, j'ai pas le goût de... C'est Jim Member Breaks qui vient de passer, là. C'est un nuage de fumée et de boucan. C'est aussi pire d'une... C'est aussi pire qu'une course de voiture. Entre deux voitures qui ne se respectent pas et qui se pètent en plein nez. Là, ça fait de la boucane. Jim Member Breaks, le seul qui a la guitare, qui nous envoie de l'imnanana. Chanson arabe. Nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na na, nim na. Ici Rénal de l'animal antisocial, marginal, gauchiste et indépendantiste, prêt à vous décevoir et à vous desservir une idéologie prête à emporter. Qui? Prête à emporter. T'as emporté? T'as emporté. T'as emporté tes valises hier? Toujours hier, moi, là. C'est jamais demain, c'est jamais avant hier, c'est hier. Tout se passe hier, moi. C'est plus facile. Pas besoin de mémoire, là. Ah, oui, ça s'est passé hier. La Deuxième Guerre mondiale, mon petit champion. Ah, oh, ça s'est passé hier. Woodstock. Ah, oh, ça s'est passé hier. La mort de Jim Member Breaks. Ça s'est passé hier. Oui, OK. La mort. La mort, toujours la mort. La mort. Attention, la mort. La mort. C'est une scène après le show. Quand derrière son premier rideau, il reste seul dans le silence, en espérant une autre chance. Mais la scène ne connaît pas ça. C'est succès, c'est succès. Vas-y, il faut gagner son pari. Faut que ça pleure, faut que ça rie. La scène a mis tous ses atouts. Mais elle t'attendra au détour. Si tu n'as pas assez d'amour. La mort. Oh, la mort. C'est une scène après le show. Quand derrière ton premier rideau, je l'ai dit, tu restes seul, je l'ai dit, dans le silence, tu en espérant, les gens savent pas. Une autre chance. Mais ouais, qu'est-ce que tu l'as? La scène ne connaît pas ça. Alors, moi, ça va très bien. Hein, Rita a eu son troisième enfant, toujours hier. On a pleuré la mort de Kurt Cobain hier, de Nirvana. En même temps, c'était... comment qu'elle s'appelle? Twin. Deux win. Blow in the wind. Non, c'est celle-là de la twin. Non, elle n'est pas morte. Non, je ne suis pas méchant. Mais voyons donc, celle avec des beaux yeux crémeux, là. Les yeux crémeux. Oh oui, les yeux crémeux de Winnie Winehouse. Winnie Winehouse. Comment? Winnie Winehouse. Non, c'est Amy Winehouse. Amy Winehouse. Elle a des... T'avais deux grands yeux, puis... On aurait voulu mettre ça sur un gâteau. Comment ça? Je te le dis depuis tantôt, c'était crémeux. Oh! Diane-t-elle, la fille, il fallait qu'individu. Bon, on a parlé de ça. Ah, oh, brièvement, parce que moi, quand je relate des choses vécues, ça passe mal à la radio. comme à la radio, comme le chantait, il le chante encore Brigitte. Moi, ça. Ça, c'est la danse de la neige. Moi, décembre, début décembre. Regardez le ciel. Les nuages vont se croiser. Moi, je demande à au moins 20 personnes. Vous nous écoutez, là? OK? Ils ne sauront pas que ça fait 20. Peu importe, si vous êtes proche de votre porte, vous avez des baladeurs, ou vous nous écoutez à l'extérieur en balado-diffusion, regardez le ciel. Que vous soyez 20 ou plus, mais plus que 20. Plus que 20, nous vaincrons. Oh, messieurs, je me sens comme le viking. Oh! Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Et qui est-il? D'où vient-il? Cet intrigant personnage radiophonique. Je vous demanderais de regarder le ciel. Ouvrez votre galerie. La porte de votre galerie, je ne peux pas m'ouvrir. Non, ben oui, ouvrez-vous. Mademoiselle, fermez-vous. Mais excusez-nous. Non, mais je veux dire, fermez votre encolure pour ne pas attraper la grippe. Vous allez avoir le gorgeon sec et la papille dilatée. Moi, j'ai la papille qui goûte le premier quoi? Ben, le premier décembre, moi, c'était différent, mais je vais plus beau que le tout des gens. Alors, donc, regardez le ciel. On va faire neiger. On va faire neiger quoi? On va faire neiger le ciel. Très facile pour moi. Je suis le Dieu. Et monsieur, il y en a plein qui sont pris pour Dieu, hein? Comment ça s'est terminé, l'histoire? Ben, l'histoire est sans issue. Sans issue. Ben, c'est écrit. Merci, monsieur. C'est... Hey, attends, c'est l'inconscient qui parle. OK, attends. Inconscient? Oui. Inconscient? Oui. Inconscient? Ben oui, c'est moi. Êtes-vous conscient? Très conscient. OK, vous êtes inconscient? Oui. Bizarre, hein? Psychanalyste. On étudie en psychanalyse. Les psychanalystes. Oui, on commence. On étudie. Oui, en quoi? En psychanalyse. Monsieur. Un court-circuit. Les psychanalystes ont étudié en psychanalyse. Oui. Les psychanalystes, oui, ont étudié en psychanalyse. OK. Et puis? Ben, et puis c'est ça. OK. On y va avec ça, oui. Alors, regardez le ciel. Oh, oui, OK, c'est ça, là. Oui. Regardez le ciel. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Moi, c'est la guitare qui me rentre encore dans le tympan. OK. Le tympanse me bourdonne et la bourdonne me tympanse. Oh là là! Silencieusement, je m'interroge comme le poète à peine barré. Je m'en vais, là. Non, la porte est barrée. Ah, ben je reste. Ben t'as pas le choix. Comment ça? La porte est verrouillée? Est verrouillée. Barrée? Barrée. Verrouillée? Barrée. Verrouillée. Regardez le ciel. Oui, c'est beau, hein? C'est très beau. Je vais faire la danse de la neige. Le 7 décembre. Au petit flocon. Eh, monsieur, ça sent, oui, ça sent. Ça sent la neige, attendez. C'est pour faire les caraquettes, là. C'est pour faire avancer les raquettes dans le ciel. Les nuages qui vont tomber la neige. On n'a jamais fait ça. On ne saura jamais ça. Faut pas apeurer le peuple. Faut pas leur dire la vérité. Faut leur cacher tout pour mieux les manipuler. Les diriger. nous semble la plus payante. L'argent mène le monde. La religion s'est ensevelie dans le noyau intellectuel d'une société qui se cherche un reste. Un reste de quoi? Là, c'est pas vrai, attendez. Ce que je dis là, là, c'est une approche de nuages. Et lorsqu'ils vont s'accoupler, il va neiger. Ah non, on va pas avoir de la... Mais non, c'est pas... C'était de la neige. OK. Parce que moi et Marita, ça fait pas de la neige. Non, je sais. Attendez. Ça, c'est un témoignage amérindien. Amène-moi de la neige. C'est pas de l'amérindien, ça. Ah non, c'est vrai. C'est le cochon. Là, c'est pour faire la liaison entre deux cochonnets dans le ciel. Ben, des cochonnets, si vous ne connaissez pas ça, là, c'est deux petits nuages qui cherchent. Puis s'ils ne se retrouvent pas, là, ça va passer tout droit, puis il n'y aura jamais de cristaux, de flocons, d'amoncellement de pluie qui congèlera dans le ciel pour devenir en bas des petites particules blanchâtres qui nous amènera une pelle à la main et de la guédille au nez. Pas le 7 décembre, hein, pas le 7 décembre. C'est une blague, là. Il n'y a rien qui est tombé, ben, à part mon dentier, mes écouteurs, m'as-tu vu? J'avais l'air d'un... Hein? M'aviez-vous vu, monsieur? Oui. Ouais, j'étais à Limoilou. Oui. Connaissez-vous Limoilou? Oui. Ben oui. C'est vous qui observez par la fenêtre, hein? Regardez-moi le rideau qui est ouvert avec deux grands yeux, là, gars. Vous avez l'air d'un insignifiant, vous? Oui. Ben oui, c'est ça. Je raconte pas l'histoire de Diantel, de la fille qui est rentrée, puis que son copain était jaloux parce que je riais, puis elle me dit « Hey, c'est beau, hein? » Ben oui, c'est une chanson qui disait « Moi, j'ai aimé très souvent, aimé longtemps, puis énormément, et je l'ai tête perdue, mais comment aimer, je n'ai jamais su. » Puis elle disait « c'est bon, oui, c'est Diantel. » « Ah oui! » Une reprise avec un rapper qui fait rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip. Moi, j'ai aimé. Rip, rip, rip, rip. Très souvent. Rip, rip, rip. C'était merveilleux. Et puis là, son copain, il trouvait ça étrange qu'elle rigole avec moi, puis moi, je riais. Un rire, bien sûr, en boîte, là, pour l'emboîter. Et lui, il était dans la fenêtre, l'observait, puis elle se dandinait, c'est vrai, elle se dandinait un peu comme Jane Birkin. Bonjour, c'est Jane. Oh, tiens, toi, mais parce que t'es les yeux comme des deux, dans les mêmes slans, les lieux solides. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, c'est la tire d'érable. Ben, c'est pas le. Voyons donc, faut attendre que la neige soit tombée, que le gel soit gelé, et que les arbres coulent. Ben, il n'y a pas juste les arbres qui coulaient à ce moment-là. Oh, mon Dieu. Êtes-vous en transe? Non. Non, je ne suis pas en... Ben, en fait, nous allons nous retrouver en France, pas en transe, en France, dans quelques minutes avec Robert. La douce Robert, elle est sublime. Vous avez, même sa voix vous donne le goût de... Allô? Allô, ça va bien, toi? Oui, j'écoute. Oui, t'écoutes quoi? Ça va, t'écoutes quoi? Oui, OK, merci. Ça me dit rien. Qu'est-ce que... Oui, mais il me semble à ta voix, ça... Ça ne correspond pas à ton imaginaire. Oui. OK, j'aime ça, moi. Insignifiant comme ça. Bon, on va passer de Diantel, on l'a fait, Monsieur le Président. OK, Monsieur le Patron Caloto. Caloto, Soto, Pato, la Dotto, Pato, la Moto. Accident. Officiellement responsable. En ce beau mois de décembre. Parquet glissé. Pneu d'été. lumière rouge. Moi, envoyer des textes à mes copines pour dire, écoutez, il rentre une indienne, écoutez, il rentre une indienne. Puis à un moment donné, pow! La mâchoire m'est arrivée sur le volant. Aïe, aïe, donc, ma prothèse, tout est tombé. Les lunettes, le portable, insupportable. Ma copine criait. C'était le chien en arrière qui disait, hey, on arrive-tu, on arrive-tu? Hey, le chien, il arrête de dire ça, on va arriver. En fait, mon chien parle parce qu'il se prenait pour un perroquet. Un perroquet à plumes, là, mais lui, il était à poil. La police était allée l'embarquer. Il a dit, hey, vous êtes à poil, pas de grossière imbécence. Je lui ai dit, hey, c'est pas une imbécence, c'est un imbécile. Pour se promener comme ça, là, puis c'est un chien qui ne sait pas que c'est un, tu sais, c'est, il y a un problème psychologique. Très psychologique. Je l'ai envoyé voir un psychologue, puis le psychologue a dit, garde, c'est un chien, là, c'est pas tout à fait normal, là. C'est le maître qui l'a amené comme ça. Ben oui, dites-lui que j'étais un trouble. Ouais, un trouble moteur. Moteur. Ben, sa voiture, là, s'est arrêtée sur la lumière rouge. Sur la. Puis moi, j'ai envoyé un message à dire l'émission vient de commencer. Ça fait déjà 35 minutes. C'est très bon. Il y avait Jimmy. Le gars est en train. Oh, merde. Il est en train, mais en voiture. Puis. On a passé la lumière rouge et flac, le chien à poil perroquet. Ah, mon Dieu, monsieur le président, monsieur les patrons catholiques et vous, mesdames les voluptés, bienvenue à l'émission et des pudents, d'un bâtiment, t'es pas tout, ça va bien. Bienvenue à la douce finalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 7 décembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste, là. Mais moi, j'ai mal au dos parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. L'arthrite est embarquée par-dessus ce dos-là. Comprends-tu que moi, quand je chante, regarde, hein? C'est un dos arthritique. Ça sonne pas comme un vrai. Depuis ce temps-là, je suis sur le dos. Mais hein, dos. On me suis trompé de pitoune. Heureusement, tu as juste deux pitounes. Myriam Robert, dit Robert, est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète française née le 14 octobre à Paris. Également danseuse et comédienne, elle évolue dans l'univers à mi-chemin entre le féerique et le tragique, parfois avec une pointe d'absurdité. Donc, Errance Rénaldienne adore ça. La mort, l'enfance et l'amour reviennent régulièrement dans ses écrits. Sa musique baroque, souvent mêlée d'électronique. Mais électrique aussi avec la guitare, là. Sa voix cristalline et l'émotion qu'elle dégage lui valent un succès réel en France, ensuite, c'est la Suisse, en Belgique, mais également au Japon et bientôt au Québec. En jouissance, mon doux Seigneur, comment ça va, toi? Mais j'ai la jouissance facile, moi. Mais la juillette un peu plus branlette. Mais c'est, oh oui, regarde-moi ça, ça bouge. Comme la tour de Pise. On l'a fait. Les gens aiment bien ça, là. Oh! Ah ouais, la tour de Pise. Oh! Ben, je sens qu'on trompé de pitonne. Oh! Oh! Mais c'était Joe! En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Et quand je dis sublime, je dis artiste. Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter! J'ai pété un câble, il était temps. Je suis sorcière maintenant. J'étais funambule à plein temps. Et je suis tombée dans les temps. Mes cheveux sont paille, c'est trop blanc. Je peux danser en rampant. Fini les étoiles et le vent. Je suis feuille morte à présent. Qui doute, je trouve ça beau. J'ai pété un câble. J'ai perdu mes souliers et la tête. C'est pas pour ça que je suis bête. Les oiseaux s'envolent, je rigole. Et j'ai le cœur toujours en fête. Si plus de solutions, plus de problèmes, je frotte mes joues, je suis blême. Je ne mange plus mes cigarettes. Je marche sur les traces d'Overgay. Qui doute, je trouve ça beau. Et j'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. Et j'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. Et j'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Donc voilà, je raquais, il me dit bah écoute, hop. Et la vidéo est venue comme ça, Eh bien, la vidéo, pareil, c'est un réalisateur. C'est classe, vraiment, la vidéo. C'est léché, c'est pur, c'est limpide. C'est Giuliano Peparini. C'est propre, un type, c'est très, très propre. C'est le type qui fait à Las Vegas, à Macao, ouais. Tu vois qui c'est, ce chorégraphe? Oui, c'est vraiment très classe, très pur. C'est pareil, lui, il n'a pas demandé d'argent, parce qu'il sait bien que je ne suis pas... j'en ai pas, et on a amené de l'argent parce qu'il faut quand même, il y a des gens, il y a des techniciens. Oui, mais ils ne sont pas fait payer, c'est mais, juste mais par lui, amour. Voilà, c'est par passion, envie, par amour. Passion, et ben, par amour de ce que tu fais. Voilà, et j'ai finalement beaucoup de chance, parce que si je m'en suis sortie, c'est aussi parce que tous les gens qui m'entourent, parce que je ne peux pas faire tout toute seule. Ouais. Tu vois, tu as vu tous les sites internet, tous les relais que j'ai, tu doutes bien que moi, je ne suis pas programmatrice, c'est pas moi qui le fais. Ce sont des gens à la sortie des concerts qui, toi, qui depuis des années, pour ça j'ai dit Sylvain, c'est parti. C'est un type qui vient me voir à la sortie du concert et qui me dit voilà, moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. Moi je veux faire ça. Pour te faire connaître aussi. Voilà. Ouais. Et Giuliano c'est un fan. Ouais. Sylvain là c'est un fan. Ouais. Rénal est un fan. Rénal est un fan. Et donc finalement je me retrouve avec des gens, par exemple celle qui a fait le montage. De l'Olympia, c'est elle qui est monteuse chez Secret Story, mais à un moment donné, je sors d'un de mes spectacles et je vois une fille à trois portes du spectacle, je savais même pas qu'elle avait été voir mon spectacle, une fille en larmes, donc je sors, j'étais embêtée, je vois une fille en larmes, donc je vais la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Inquiète. Ah oui. Et elle me regarde et elle se remet à pleurer encore plus fort et elle me dit je sors de spectacle. Oh, je dis oh putain merde, c'est de ma faute, zut. Et je m'excuse. Elle me dit mais non, je vous adore tellement, il ne faut pas vous excuser, je pleure, c'est l'émotion. Et finalement on est devenus amis et puis maintenant, voilà. Ben c'est ça, hein. Elle fait le montage de mes spectacles, de mes films. Elle travaille pour moi. Elle travaille pour toi, elle collabore à ton projet, elle investit. Et elle ne me donne pas d'argent, elle ne me demande pas d'argent parce que j'en ai pas. Ouais. Alors quand j'en ai, par contre, je redistribue. Ok, mais c'est vraiment l'amour de ce que tu fais, c'est des gens qui t'ont suivi depuis le début, donc et je me suis entourée t'es chanceuse que... parce que c'est des fans. Regarde ce que je te disais, ce jeune garçon de 24 ans qui fait la mise en scène. C'est un type qui me suit depuis plusieurs années, ça fait 8 ans qu'il me suit, donc il est petit quand il a commencé. Oui, il a commencé, c'est ses parents qui allaient voir. Et donc, il se disait, si je lui propose, elle va me jeter. C'est sûr que je ne dis pas oui à tout le monde. Non. Mais il se trouve qu'il m'a proposé quelque chose qui tenait la route. Et qui était sérieux dans sa démarche et qui connaissait un peu ce qui... Moi, en plus, je suis danseuse, donc je peux dire tout de suite que je repère tout de suite si le mec, il sait de quoi il parle. Ouais. C'est des coups d'amour qui t'amènent jusqu'ici avec ce nouvel album qui est extraordinaire, qui est très actuel, Skype. On peut pas dire que... c'est sans doute quelque chose qui va se démoder à la longue, mais actuellement, Skype, c'est la fine pointe. Moi, je peux pas m'en passer. J'ai une fille qui vit à Londres. Ok. Je l'ai tous les soirs sur Skype. Hein. Oui, tu la vois, tu l'entends. Donc, peux même manger devant avec elle. Ah, on passe des heures. Hein. Ça fatigue l'oreille, le téléphone. Oui. Ça tient chaud. Au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie de raccrocher. Mais tu vois pas, surtout avec Skype. Avec Skype, t'as vraiment le sentiment de discuter. T'es vraiment. Tu peux passer des heures sur Skype, mais tu passais pas forcément des heures au téléphone. En plus, c'est gratos. Oui. C'est quand même. Ouais, c'est merveilleux. c'est beaucoup. Franchement, y a rien bravo mieux. Skype. Yes, vous devriez me sponsoriser. Hein, exactement. Music. T'es là? Oui. Tu m'aimes? Non. Depuis longtemps? Oui. Pour toujours? Oui. Viens me le dire en face. Dis rien, t'as peur? Non. Menteur. J'aime quand tu mens. Pourquoi? Je sais pas. Ça me fait peur. J'adore. T'es bizarre comme fille. Il fait jour chez toi? Non. Ouvre tes volets. J'en ai pas. Alors ouvre les yeux. J'en ai pas. Bouh, j'ai peur. T'as un cœur? Non. Tu vois que tu mens? Non. Si tu mens. Mon cœur, il est cassé. Oh mon pauvre, c'est moi qui l'ai cassé? Ouais. Ah, là tu mens plus. T'as mal? Tu dis rien. Je t'ai brisé le cœur, pas les doigts. Ton cœur, je te l'ai pas cassé. Je te l'ai volé. C'est pareil. Arrête de jouer. Ok, tu mets la vidéo. Dac, mais tu te dessapes. Belle. J'arrive. Je t'attends. Salut. Je suis venu jouer à Gainsbourg. À quoi? Je viens en je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins. Et je te rejoins. Je t'aime. Je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me tiens. Pardon. Oh oui, vous écoutez Rance Rénaldine à CKRL 89.1 à Québec. Fallait pas le nommer, je suis gêné pour toi. Tu vas aller en enfer. Quoique je suis déjà en enfer, madame. Mais vous l'écoutez. Vous écoutez quoi? Ben la radio, là. Vous écoutez la radio. C'est KRL, la première radio Arrête d'y aller, puis vas-y. Ah, c'est bien, ça. Arrête d'y aller, puis vas-y. Vous écoutez CKRL 89.1, la première radio communautaire francophone au monde. Ici, là, maintenant, pourquoi? Allons. Fais le chien, le beau, le tranquille. Là, non, c'est pas ça. Dans l'ordre. Si c'est dans le désordre, vous gagnez absolument rien. Si c'est dans l'ordre, vous allez avoir un désordre intellectuel et cérébral. Oh mon monde ou je vais devenir folle? Vous l'êtes déjà. Je suis d'une folie contrôlée, monsieur. Oui. Contrôlée vers... Vers quoi? Vers le moteur? Oui, vers le moteur de la folie. Ben, c'est ça. Ça vous amenait vers là. Ben, c'est la verloppe. Moi, j'ai attrapé la verloppe en 1978 en écoutant le chanteur Verloppe Warner. Vous savez, dans sa grande enveloppée. Non, c'est envolé. Ah, non, mais il était enveloppé. Il était grossouillé, lui. Il mangeait du steak à chaque semaine, il mangeait du poulet à chaque jour, puis il mangeait des croissants à chaque minute. Mais voyons, à chaque minute, son quoi? Son pouls? Non, c'est pas son pouls, c'est son foie. Son foie? Ah, il croyait en le Saint-Chocolat, au Saint-Caramel et à la Saint-Pepperman. Oh, monsieur! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, ouais, la Pepperman, la menthe. Oh! Le goût mentholé? Ben, c'est ça. La Pepperman, si c'est pas mentholé, là, c'est que ton cerveau est déréglé. C'est ça! Ben oui, c'est ça. Pour moi, ça a un goût latté. Latté, ouais, c'est raté, ce goût-là. Ouais, c'est très raté. C'est raté vers le lait. Miroir, dis-moi qui est le plus laid. C'est Rénal Gagné! Oh, monsieur, merci. Le plus beau. C'est pas Rénal Gagné. Merci, madame. Là, ici, maintenant, attribuons. C'est bien, ça, hein? C'est qui? C'est Alice au Pays des Merveilles. Ben non, c'est Cendrillon et les Sept Nains. Cendrillon et les Sept Nains. Un jour, les enfants, je vais vous raconter l'histoire. Hey, ça fait peur. Ben oui. Tout conte doit faire peur. Pour amener chez l'enfant l'instinct de défense et de compréhension que l'individu n'est pas toujours bon. Dumbo, l'éléphant volant, là. Non, c'est Dumbo, l'éléphant volant. Arrête de me reprendre, toi. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Absolument rien. Quoique, j'ai les oreilles qui ressemblent à Bimbo. Oh! Bimbo, attaquito, Bimbo. Ouais, c'est ça. Ouvrons-lui un petit coin de bar. À Bimbo? Non, à Charles. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, ce que je viens de voir là, sur le champ, ça me plaît parce que c'est court, c'est concis, c'est direct, donc on va pouvoir improviser avec beaucoup d'aisance. Frank descendit par l'escalier. Ah, heureusement, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, lui, là. Son choix était comme la vie de certains individus limités. Puis lui, il descendait vers le bas, là. Il descendait pas vers le haut. Il savait que sa Georgette qui l'attendait en bas, là, avait des petites fleurs qu'elle avait cueillies. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zay, zay, zay, zay. Mais là, avec ses fleurs, là, commençait à avoir chaud au mois de juillet, ça plombait, pas ses fleurs, mais le soleil. Les fleurs plombaient pas. Mais les fleurs plombaient le sol. Elle commençait à être flétrie. Oh mon Dieu, flétrie. Je vais vous les plier. Je vais vous appeler flétrie. Ben mon Dieu, Juliette Flétrie. Oui, Juliette Flétrie, c'est moi. J'ai fait le ménage chez M. Bukowski pendant 3 semaines. J'ai démissionné, M. Gaudouin. J'étais absolument minable. Je me promenais la dernière visite que j'avais faite chez une illuminée de réverbères qui était voyante, extravagante. Elle, c'était des bougies par terre. Je zigzaguais à travers les bougies. À un moment donné, la jaquette m'a pris en feu. Je suis sorti comme l'aéroplane puis je suis jamais revenu. J'ai été brûlé au 0 degré parce que j'ai enlevé mes vêtements. J'ai dit, je suis nu, la police m'a embarqué. Ah, mon Dieu. Ensuite, je suis allé chez M. Bukowski, je cherchais encore un autre emploi, quoi. Je lave sur le monde, moi. Comment? Je lave sur le monde. Tu laves sur le monde? Je lave chez les gens. Je fais du ménage intérieur. Je suis une laveuse intérieure. Je suis pas un psychologue, là. Arrête là, ça, le psychologue, depuis 2 semaines. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis une ménagère. Oh! Puis je ménage pas là-dessus. Non, mais j'espère. Moi, c'est ça blanchit ou ça rougit. Oh! Vous pourriez être masseuse. J'ai déjà été masseuse, moi. Je faisais du californien. Il y a quatre pattes sur le gros palmier. C'est votre mari, c'est mon mari. Mais là, c'est pas ça, j'arrive chez Bukowski. Là, c'était pas des bougies qui étaient jonchées sur le sol, c'était des bouteilles. Ah, il fallait zigzaguer à travers les bouteilles, puis là, ça sentait la bouteille. Je regardais le visage, j'avais le nez en forme de bouteille, le regard fluide, la bouche à vide, les dents descendaient vers le haut. Je me sentais comme dans un métro. Oh, la porte fermée. Oh, la sacoche pendue. À l'extérieur, moi, à l'intérieur. Puis celui... Ben, le conducteur du métro, oui. Celui qui m'avait pas vu, parce que la sacoche dépassait, continua. Et monsieur, les verbes, les verbes se conjuguent à l'imparfait de l'infinitif du subjonctif de l'inconscient collectif. La sacoche se coinça, oui. Et moi, je cherchais à rentrer la sacoche. Parce que dans la sacoche, il y avait le numéro de téléphone de Robert. Puis Robert, ben, c'était une grande chanteuse que mon colocataire adorait, puis en fait adorait. Ce qu'il rêvait, lui, c'était avoir une petite soirée avec Robert, là, tu sais, dans un restaurant là, intime, bougie, puis lui offrir le champagne. Je pense pas que Robert aurait osé dire oui à cet énergumène. Oh mon Dieu Seigneur, quel être étrange. Toujours les lunettes fumées. Le discours étrange, la bouche enrobée de verre. Tu sais, c'est d'un autre monde, là. Un sarcophage ouvert, un mort vivant, une espèce d'individu chaque mot qu'il voulait. Émané de sa bouche, et monsieur, émané, la fête est partie. Mais c'était toujours quelque chose qu'il fallait comprendre à travers, et quand c'est ça, hein? C'est quoi? C'est des déclencheurs? Ben non, c'est des métaphores. Ah, c'est ça, des métaphores. Il était très fort, sa métaphore, lui, hein? Là, il disait... L'arbre est étrange, comme le roseau qui s'épuise. Hey, là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, tu prenais deux, trois verres d'eau, pas de glace. Hey, mon beau zoo, là, résume. Je ne résumerai que le flot de l'existence qui bat dans l'eau de l'oiseau qui boit. Je suis pas au niveau, moi, là. Là, Robert allait pas apprécier ce genre de choses-là, là. Un individu comme c'est surtout un Québécois avec les expressions québécoises. Tire-toi un bain! Non, c'est tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche! Parce que tire-toi un bain, c'est une chose. Enlève ton tire-pain et marche. Non, c'est tire-toi une bûche! Imagine-toi la chanteuse, la danseuse, la créatrice là-dessus, qu'est-ce qu'elle. Ce serait disjoncte. Elle aurait dit ah, c'est un fou, comme on cherche un autre fou du roi. Puis là, quand je regarde mon jeu, là, j'ai quoi? Une dame de cœur, une dame de trèfle, une dame de carreau, une dame de pique, puis un joker. Oh-chin. Monsieur, avant de faire Ho-chin, Ho-chin, Ho-chin, je voudrais vous dire que le titre du roman, de la nouvelle, de la nouvelle de Bukowski, c'est une ville. Une ville, oh monsieur. Satanique. C'est qui? Satanique. Nick, satanique, Nick. Oh, Chin, how could you cheat me this way? Oh, Jin, how could you cheat me this way? Baby, cheat me this way. You know you're broke my heart ever since you went away. And gotta feel it and like it. And if you move it, gotta grip it and hold it. Oh, oh, oh, oh, Jen, how you cheating me this way? You know you broke my heart ever since you went away. So sad ever since you went away. You know that it's been so sad ever since you went away. Quoique, ils font parce que tu payes rien lorsque tu parles à ta fille. Voilà, exactement. J'ai 10 questions de la fin et on va voir vers où ouais. ça nous amène. Si tu étais un liquide. Un liquide, hein? Ben, je serais l'eau de mer. Oui. OK. Pour? Pour pouvoir... toucher et être touché par tout ce qu'il y a dans la mer, les plantes, la végétation, les poissons, les fruits de mer, le sel. C'est une eau qui est particulière. Alors, c'est une fille très sensorielle qui veut... Énormément. Okay. Et très olfactive. Okay. D'ailleurs, mon connard qui pue, ça prouve à quel point je suis olfactive. C'est-à-dire que moi, les hommes qui se lavent trop, s'ils se foutent que du déodorant, tu vois... Ah, ok, c'est trop. Non, moi, mon mec, il faut qu'il pue. Hein. Ok. Ça, un bûcheron qui Non, mais c'est pas ça, c'est... Ouais. Une personne... Mais on est dans une société où on doit rien laisser paraître, aucune ride, aucune senteur. Ouais, une fatigue. Aucun point. Dès que tu transpires un peu, mon Dieu, il est sale. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes aussi pour son odeur. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est olfactif. Hein. Ouais. Bon, c'est pas poli de dire ça, mais merde, moi, je l'aime quand il pue. Ouais. Ah. Ouais, ben, c'est l'amour dans son entité la plus... Ah. Si tu étais une ville... Si j'étais une ville, oui. Et ton chalet? Mais c'est pas une ville. Ok. Je pourrais pas être une ville. Ok. Pour Et Paris, comment tu te sens à Paris, toi qui résides pas ici? Moi j'adore cette ville. Et pourquoi mais... ici? Qu'est-ce qui te plaît ici? C'est à côté parce que t'as pris le train? Parce que moi c'est mon train. Ok. Ok, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça? Ok. Mais moi j'adore cette ville, mais à partir du moment où j'ai eu des enfants, j'habitais au 6e, moi j'aime pas les squares, je m'emmerde, je suis pas une maman poussette. Est-ce que tu viens souvent à Paris ou... Oui. Ok. Je suis à 1h20. Ok, alors aller-retour. Je fais l'aller-retour. Okay. Et ça se fait très bien. Ah bah oui. Si tu étais une... Alors la ville, il n'y a pas de ville. Non. Si tu étais peut-être Québec, c'est une petite ville sublime. Et là, j'ai bien envie d'y aller. Oui, mais surtout qu'il y a des endroits à Québec où on l'appelle le petit Paris, la petite France, parce que c'est très français. Ah, par contre, je suis très chauvine. Ok. Ah ouais, mais tu te plairais là-bas. Si tu étais une langue? Si j'étais une langue, moi je serais le portugais. Ah oui? Pour la beauté? La beauté de la langue. Je la parle, c'est la seule langue, c'est une des langues étrangères que j'ai pas chantée. Alors j'en ai chanté vraiment, j'ai chanté en turc, j'ai chanté en roumain. Mais là, je trouve que cette langue est... Remplie de couleurs. Indescriptible. Voilà. Et voilà, c'est... Pourquoi? Je sais pas. Thank you. love. Malcolm's curse haunts our family. Odious, loud and rich, ruler of filthy seas, revel in heaven's justice. And here come the waves and save for us. Je me souviens que la rue racontait. famille tout court. Just wanna go to my house. You just wanna go to my bed. And I don't care, I don't care. Tonight you think I like your love. That tells me a bit about you. You don't care to disturb tonight. You think I like your love. You just wanna go to my house. And I don't care, I don't care at all. Tonight you just wanna go to my house. La la la la, tonight la la la la la la la la la. Ce soir, moi, demain. Cette semaine. Et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture. Fissure, embouchure. C'est bon, hein? Oui, mais c'est très bon, monsieur Grenier. Vous êtes dans le classe? Dans la classe, oui. Êtes-vous en transe? Presque. Presque. Si je me laisse encore aller, là, c'est... on va me changer de couche. Elle est vraiment bras de mousse. Le pas de plan de regarder le bataille et en Jésus-Christ, le fils unique, ça va dire énorme. B43. La moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe douane. Douane. Douane, c'est pas pivoine, c'est douane. J'haïs ça, les douanes. Je me sens comme un douaneau. Un douaneau? Oui, oui, pit, pit, pit. C'est pas un douaneau, ça, c'est un moineau. Ouais, moi, c'est un douaneau. Parce que je... un animal étrange, là. Pas tout à fait classique. Là, aux douanes, qu'est-ce... tout ce qui est pas dans les normes, là. Passez en arrière et avancez par devant. Et tournez à gauche, puis vous allez voir une petite chambre, là. Déshabillez-vous, donnez votre nom, votre anus. Votre anus? Votre annulaire. Puis on va prendre les pointes digipales. Oh, monsieur! De votre oculaire. Mais voyons donc, la juste. Là, oui, on va ajuster votre mot. Oui! Et votre intelligence. Ah, mais il n'y en a pas. Je tiens à vous dire que j'ai ma citoyenneté québécoise. Oui. Je suis un Québécois. Oui. Moyen. Moyen. Ben, 5 et 10, c'est très moyen. Très moyen, oui. Le QI. Cuit, suis-je cuit? Ben, ça, c'est l'oiseau. Ben, oui, Michel Fugain fait comme l'oiseau. Oui, je connais tous mes classiques. Non. Ça s'en va, oui. Ça s'en va. Et ça, ça c'est Dodo. Dodo Lametto, c'est Stéphanie Loubloin, c'est Dodo, le chanteur là, qui... Je m'aime et je me bouscule comme d'habitude. Claude-François. Claude, le médalo, le mégamo, le toto, popo, momo, Claude. Mais je peux pas passer aux boines, moi, là, parce que j'ai dans mon sac, là, c'est pas juste des disques, hein. Je suis un animateur de radio, mais j'ai mon animal préféré. Bon, c'est quoi? C'est mon iguane. Qui? Mon iguane. Ton iguane? Mon iguane. Votre iguane? Mon iguane. Ça peut pas sortir, ça, là. Non, ça reste dans le sac aussi. Sinon, je le berce, je dis, oh, Vado, t'as mon iguane, le fait, bobo, t'as le popo. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, ton iguane? Il s'endort. Oh, vous avez eu peur, vous pensez que c'était un iguane vivant. Non, c'est pas vivant, ça, là. C'est l'iguane en peluche. Ah, mon dieu, c'est comme la grenouille en peluche. Oh! Et j'ai aussi, ma chanteuse préférée en peluche. Ben voyons donc, ouais, ben oui, c'est fait sur mesure. Ah, la grandeur naturelle, très naturelle. C'est pour ça que j'ai réservé un banc pour elle. Ah, mais mon Dieu, vous allez passer aux douanes, elle est jolie. Ben oui, vous l'appelez comment? Bon, je l'appelle pas, elle vient tout seule. Bon, c'est beau ça, c'est l'amour peluche. Hein, elle m'embrasse, regardez-moi ça. Ben, c'est vous qui l'approchez vers vous. Ben oui, mais c'est en peluche. C'est pas une vraie, là. Une vraie, ça viendrait tout seul. Ça serait comme une ventouse. Une épouse. Mais là, c'est pas une épouse, c'est en peluche. Allez-vous vous marier? Ah, oh, j'aimerais bien, mais elle veut pas. Comment ça, c'est en peluche? Ben oui, c'est en peluche, elle veut pas quand même. Vivant ou en peluche, elle veut rien savoir de moi, celle-là. C'est pas parce que je l'ai faite moi-même, je l'ai bourrée avec du bourrage de peluche qu'elle va m'aimer, Invitam Paperman. Je l'ai pas ensorcelé en disant « Ah, tu vas m'aimer toute la vie. Ah, laisse-moi t'aimer pour faire avec toi le plus beau de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer. Une hirondelle fera mon bonheur. » Elle veut pas. Gather around, y'all. And listen to me. Sit back, relax. While I do my thing, check this out. loyauté. Une époque. L'époque. Je serai le jour de mes 25 ans. Ouais, c'est passé des choses là. J'ai le sentiment que c'était le jour de ma naissance. Ah, c'est le jour où j'ai commencé à être heureuse dans la vie. Puis dans ta tête, tu as resté à 25 ans parce qu'on se dit qu'il y a un moment de notre vie où on bloque sur un âge. Et puis on vit pendant tout le reste avec l'âge que l'on a dans notre tête. Ouais, alors voilà, ce serait c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est dans un passé quand même puisque j'ai plus 25 ans. Mais c'est une époque où, si tu veux, j'ai le sentiment d'avoir été enfin moi. Est-ce que c'est l'enfant que t'as mis au monde qui t'a... Non. Okay. C'est plutôt l'enfant que j'ai mis au monde moi-même, j'ai l'impression de m'être mis au monde à 25 ans. Moi, j'ai pas aimé mon enfance, hein. Okay. Pas du tout. Et les gens qui regrettent leur enfance et tout, alors moi. Enfance, tu sais. On passe. Okay. Moi, j'ai pas aimé mon enfance du tout, donc à partir de 25 ans, c'est parfait. Si tu étais un mot. Un mot Je serais Mathieu. Un nom, un prénom. Je serais Mathieu. Mathieu. Si tu étais. Alors, au lieu de Robert, peut-être, éventuellement, à l'origine, tu t'aurais appelé Mathieu. Si je devais... Non, mais avoir changé... Si tu devais changer de nom? Oui. Alors, c'est difficile parce que... Ben, je pense que je prendrais le nom... Mon dernier enfant, si ça avait été un garçon, c'était Lazare. Si c'était une fille, c'était Rose. Et c'est un garçon donc, qui s'appelle Lazare. Donc, je vais prendre le nom du quatrième enfant que je n'ai pas eu. J'aurais bien voulu l'avoir, mais je n'ai pas eu. Donc, Rose. Je m'appellerais Rose. Mm. Si tu étais un aliment. Un aliment? Ah, ben, je serais de l'eau de Volvic. Pourquoi? J'adore ça. Ok. Ça te. Ah, mais moi, je ne peux boire que de l'eau. Je bois des litres par jour. Je ne supporte pas l'alcool parce que je rigole et je suis malade. Ok, pas de vin. Si, j'adore le vin, mais là, en toute petite quantité, parce que je suis une folle du vin et du fromage. Ok. Ça me rend hystérique. Et quelle sorte de vin? Bien Bordeaux, moi. Ok. Just a bunch more words that I'm sure to ignore. This time I'll need evidence, you know exhibit A. And if it's secret, leak it, give it away. You'll drop hints, but never a fact. And it's a trap, gonna have to do better than that. I don't wanna be a fool, I'm feeling naive. So please write it all down, leave it easy to read. In clear, concise, nice plain English. I get tripped up trying to distinguish the pimp from the pastor, meat from the moocher. So tell me then, are you a friend or a user? Who sets a trap like a web to a fly? So come right and exact, look me dead in the eye. And don't sell me, promise me, tell me, honestly, why? Can you give me some kind of sign? Meaning defined, so I can believe. Can you give me a way to be sure I can trust in your words? 'Cause that's what I need. Can you give me a reason for change? You'll need to explain, so I need to see it to believe it. In any way, faith is so inconvenient. Dealing with the guilt, feeling hypocritical. I just end up being sick or miserable. Life's fast, I need to try to maximize. Self-gratify till I collapse and die. And what then? I don't wanna think about it. It's too deep, I gotta keep my head clouded. So give me entertainment and happy pills, and we'll pretend it's all sunshine and daffodils. It's what I've done since I was 2 years old. And if it's true, you can lose your soul. Well, I just laugh at your statement of facts. Don't say absolute, you'll get taken to task. I don't really want to change in my life. It's in vain that I ask. Can you give me some kind of sign? The meaning defined so I can. Taylor, just tell me what happened to him. Is he hurt? Is he alive? Where is he? The Taylor. The where? Taylor. Good evening, ladies and gentlemen. You recognize my voice? This is your storyteller. I'm happy to be here with you, and I'd like you to join me. For the first time. For more than a year, ominous rumors had been privately circulating. I realize what I'm about to say come as a great shock. However, I'm counting on you to respond appropriately. Using great presence of mind, we rushed to our closest laboratory. Our dream has been that by cloning, we would reduplicate the entire Music. Let me know when you're ready. That's a good start. Let me warn you that I say what I think. I'm a complete individualist. I'm against communism, capitalism, fascism, Nazism. I'm against everything and everybody. I hate my fellow man, and he hates me. I've often wondered what it would be like to be happy 24 hours a day. Avec modération. Ah bah oui, parce que je peux pas finir mon... Si je finis mon verre, bon, alors là, mon pauvre gars... Mais c'est toi qui peux mener la fête. C'est moi qui rigole. Oui, mais c'est toi qui mène la fête. Ah oui, oui, mais alors je me plains que ce... parce que je rigole toute seule. Ok. Je fais honte à tout le monde. C'est hein. Comme fumer un joint, bref. Alors, le joint ouais. Ah non. C'est fini. Non, non, c'est pas que c'est fini, j'ai essayé. Okay. Mais j'ai appelé SOS médecin, ils sont foutus de ma gueule. Je devais avoir dans les... Ah, t'as paranoïa ? T'as souffert de paranoïa ? J'ai cru que j'allais mourir, que ça allait pas bien, donc j'ai appelé à ce médecin. Il me dit qu'est-ce que vous avez ? J'ai fumé un pétard, il me dit allez vous coucher. Alors la honte, tu vois. Oui. Donc je peux recommencer. Ah, c'est pas fait pour toi. Si tu étais, si tu étais une saison ? Bah l'hiver. Ah, surtout au Québec peut-être ? Tu l'as jamais vécu ? J'aime pas la chaleur. Oui, ça, bah tu me l'as dit, oui. Moi j'aime le froid, mais le froid, hein, pas le froid. Froid sec, pas froid. Froid sec, le froid, moins 20, moins 25, ouais. Le vrai froid. Le vrai. Et la neige, le blanc. Ok, oui. La neige, le froid, et surtout qu'il n'y ait pas de feuilles dans les arbres. On voit bien la structure de l'arbre. Je trouve qu'il y a une esthétique de l'hiver. C'est vrai. Très fort. C'est vrai. C'est vraiment. Sur une photo noir et blanc, c'est merveilleux. Oh. Ah ouais, c'est. Et moi qui fais la campagne, je te dis pas, l'hiver, même si le printemps c'est beau, même si l'automne c'est beau. Marcher, le bruit sur la neige, les feux. Ah ouais. Là. Ouais, c'est, le bruit. C'est... Si tu étais un membre corporel. Bon, alors je réponds pas parce que c'est pas possible de répondre. Ok. Ok, mais tu sais, mais tu veux pas le dire. Voilà. Ok. Est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Ok. Alors, si tu étais un moment de la journée? Je serais le moment où je dors. Ok. Ce qui ne donne pas l'horaire, parce que j'ai des problèmes de sommeil et... Ah, t'es comme Barbara, tu souffres d'insomnie, t'es... Ouais. Donc, en fait, c'est quand mais tu prends pas de cachet pour... Mais ça marche plus. Ok. Oh. Oh. Mm. Pas facile. Ouais. Donc ça sert plus à rien que je prenne quelque chose. Si tu laissais aller, comme disait Bachong, laissais aller. Ouais. Si tu étais un autre individu. Je serais Pina, mais elle est morte. Pina Bausch, oui, la chorégraphe. Oui, ok. Et Wim Wenders, tu voulais voir l'œuvre à travers l'œil de Wim Wenders. Voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que tu l'as eu le DVD en question? Oui, je l'ai eu. Ok. Oui, ok, je sais, oui, heureusement. J'avais vu deux fois au cinéma, je l'ai, et puis bon, je l'ai même en Blu-ray, alors que j'ai pas de télé Blu-ray, mais pour un ça jour... Ça viendra. Le jour où j'aurai la télé, j'aurai même le DVD. Mais tu as le DVD et t'as le Blu-ray. Ok, t'as le Blu-ray à venir et t'as le DVD maintenant. À choisir, ferais-tu le même chemin? Ah oui, j'ai pas de regrets. Au niveau amoureux et au niveau artistique? Les deux. Et qu'est-ce que tu te souhaites dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ça va être très terre à terre et oui. La santé. Ok, parce que tu sens qu'elle fuit? Non, parce que j'ai souvent eu des problèmes de santé, graves. Et quand tu l'as, tu prends conscience que... On est esclave de notre santé, hein? Quand il n'y a plus rien qui va, c'est fini. C'est fini, quoi. Je veux dire, voilà. Moi, je me souhaite une bonne santé, d'être en bonne santé. OK. Et du sommeil, à volonté? Oui, bien sûr, mais si tu veux, la santé d'abord. OK. Mais le manque de sommeil peut enchaîner aussi sur... Bien sûr, ça fait partie de la santé. Thank you. Du ciel ne veulent pas s'ouvrir, tu m'ouvriras tes bras et j'ouvrirai mes jambes. À nous deux, mon amour, nous enfanterons un dieu, un ange ou un démon. Là n'est pas la question. Oui, c'est un coup de foudre, tu es tombé du ciel et en m'ôtant la vie, tu m'as donné des ailes. Je suis ange et démon et suprême. Oui, c'est un coup de foudre, tu es tombé du ciel et en montant la vie, tu m'as donné de sel. Je suis ange et démon et si prête à me battre, et toi tu bats de l'aile et tombe en parmoison. Et tombe en parmoison. Je suis ange et démon. Et laisse-moi dire que lorsque tu viendras au Québec, le décalage horaire, tu ne sentiras rien puisque tu es comme moi, tu as un problème de sommeil. Donc, tu seras fraîche comme la rose en tout temps. Et les 6 heures de changement ne paraîtront même pas. Ouais, vraiment. Par contre, j'aimerais bien venir et faire des spectacles. Alors là, oui, mais est-ce que tu peux faire des spectacles intimistes sans tout les enceintes? Mais bien sûr. J'ai déjà, d'ailleurs, je prépare là, tu vois, un truc pas intimiste du tout, okay, sur le Café de la Danse. Oui, oui, le méga spectacle. Mais je prépare aussi un truc intimiste avec des costumes et donc des trucs transportables oui, en avion. Dans une valise, oui. Voilà, pour faire un truc piano-voix. OK. Pour pour la rentrée. OK. Alors là, dans un cabaret à la rentrée. À Paris. Ouais. Qui est, tu peux pas le dire. Si, j'ai déjà fait, seulement comme ça s'appelle, je vais y retourner. À quel endroit? L'Artichaut. L'Artichaut, ok. C'est une petite salle de 150. C'est une petite place, ouais, de un peu plus de 100 personnes. Et justement, c'est à ce petit côté de l'époque Rive Gauche de Barbara. Quand ah oui. Et t'as un trac énorme parce que t'es vraiment, tu vois les gens dans les yeux. C'est un public que tu vois. Et donc, et en plus, tu chantes de façon différente. Il y a une intimité aussi. Il y a une intimité, donc ta voix est même différente. Tu peux pas tricher. Et ça, j'adore. Et c'est peut-être bête, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce sont tes plus beaux spectacles. Ah oui. Peut-être parce qu'ils sont plus proches de moi. Ouais. Donc, même s'ils ont adoré les Olympias et tout ce que tu veux, c'est vrai que quand on est à 2 mètres, de l'artiste qu'on aime et qu'on entend chanter, peut-être que pour eux, c'est encore plus, quoi. Tu susurres à l'oreille, donc c'est comme un spectacle privé pour chacun. Voilà, et moi, ça, j'adore. Mais Robert, on se souhaite un spectacle à Québec, au Québec, et en tournée. En tournée. Si vous trouvez une salle, moi, je viens. Mais lorsque l'album sera connu à CKRL, les gens feront des liens, parce que j'ai un site officiel, je te place sur mon site officiel, et tu prendras toutes les coordonnées des amis québécois. Et viendront tes amis. Super. Mais toi, t'as un fan club Facebook. J'ai aussi un fan club, là, c'est pas moi qui m'occupe Gens veulent. Ils peuvent aller sur mon fan club. Pour avoir les vidéoclips. Voilà. Pour en connaître davantage. J'ai un site officiel, c'est quand même le mieux. Oui, mais sur le Facebook, on a un lien aussi, je l'ai vérifié. Oui, mais toujours, il y a des liens partout. Oui, c'est ça, c'est merveilleux. On se retrouve tout le temps. Et par contre, je suis obligée de faire plusieurs Facebook parce que comme ils se remplissent et qu'ils sont pleins et que j'ai des Facebook en japonais. Ouais. Là, je suis en train de faire en espagnol, en japonais, en espagnol, en anglais parce que on est obligé. Les liens cybernétiques sont faciles. On peut te rejoindre en tout temps. T'as un magasin en direct, donc on peut s'amuser. Oui, Robert, c'est ce qu'on fera en t'écoutant et en te consacrant 3 semaines d'émission à CKRL à Québec. Waouh! Oui, madame. Mais dis donc, alors ça. Alors, bonne continuation. Merci la radio qui m'aime. Bon spectacle. Merci. Tourlou. Merci Rénal. Bye. Je parcours un monde.